dans les chansons d'avant-guerre, celles de nos chanteurs des rues. Il fallait faire pleurer la France entière, raconter des histoires vécues. Héros de la classe ouvrière, de Jean Jaurès à Duclos, la mode était aux sanglots populaires, plus triste encore que les journaux. C'était toujours une pauvrette qui avait pas de papa, de maman, qu'un bourgeois séduisait à la sauvette et plaquait immanquablement. Elle se retrouvait éphémère et comme de bien entendu, pour échapper à sa triste misère, elle allait se vendre à la rue. C'était de longs mélodrames qui finissaient crescendo. L'homme épuisé le soir battait sa femme et buvait sa paye au bistrot. Chanson révolutionnaire, pavé de la rue dans Raymond. Le temps des cerises sur un vieux limonaire, sauver sa patrie, sa nation. Chanson des anniversaires, un petit air d'accordéon. Faire guincher les milous, les prospères, dans un bougnat à bois et charbon. Toutes les chansons populaires, celles de nos chanteurs des rues, s'en sont allées rejoindre à leur manière les brumes, comme de bien entendu. Héros de la classe ouvrière, de Jean Jaurès à Duclos, qui chavirait le cœur de ma grand-mère, Joinville n'est plus au bord de l'eau.